François Morel. François Morel. Déjà bonjour. Moi. Oui, ah, déjà vous. J'ai Jérôme Garcin, dans Le Masque et la Plume, dimanche dernier, a attiré l'attention de ses auditeurs, dont je suis, sur le colloque consacré au film Les Tontons Flingueurs, organisé par l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Colloque qui aura lieu les 13 et 14 novembre, c'est-à-dire ni plus ni moins la semaine prochaine. Mes activités diverses, et notamment cabotine, m'entraînant vers l'Occitanie, la Tourmagne, la Maison Carrée, le théâtre Bernadette Lafont, feront que je serai absent, et je le regrette et je le déplore. Je ne pourrai pas participer à ce colloque, mais j'aimerais ce matin apporter ma modeste pierre à cette construction en devenir. Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner est une œuvre essentiellement crépusculaire dont le point de départ, je le rappelle, est la mort. Mort à venir de Louis, dit le Mexicain, appelant à son chevet son ami d'enfance Fernand Naudin, ancien truand, et nouvellement négociant de matériel de travaux publics à Montauban. Lautner, en privilégiant l'opposition Montauban-Paris, élabore déjà un espace discontinu et archipélagique où le hiatus des lieux charpente le film, qui nous montre une double déformation de sa réflexion sur l'altérité croissante d'une dialectique qui est justement la forme la plus prégnante du discontinu fondée sur une distinction temporelle englobant le Mexique et Montauban. Jean-Paul Sartre, dans l'introduction de son travail sur Flaubert, ne déclarait-il pas que l'on entre dans un mort comme dans un moulin ? Eh bien, c'est ce moulin précisément qui sera la visée de Théo Tomate et naturellement des frères Wolfoni, Raoul et Paul. Articulant sur l'axe paradigmatique les allées et venues des frères Wolfoni entre probate et hyperbate, entre épanorthose et palinodie, l'écriture de Michel Audiard met en œuvre une psychologie plane dont l'affirmation paradoxale, précédée par l'incise métalinguiste, inscrit le dialogue dans un continuum spatio-temporel. Il entendra chanter les anges le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Les Tontons Flingueurs présentent, pour le critique, l'avantage de thématiser la question de la continuité et la discontinuité tout en exemplifiant elle-même cette question, parce qu'évidemment, quel que soit le personnage envisagé, l'œuvre est toujours ramenée au récit d'une conscience menacée d'effritement, de pulvérisation, de désintégration, mais qui finit par constituer sa propre unité. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère, je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Dans cette perspective, le personnage de Maître Folas apparaît comme un sommet dans le postulat d'iconicité qui permet de procéder à une herméneutique de la forme fondée sur une analogie entre le contenant et le contenu. Il n'y a pas seulement de la pomme, il y a autre chose. Ça ne serait pas des fois de la betterave, s'il y en a. Voilà ce que j'avais envie de dire ce matin succinctement. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer, c'est dommage, j'aurais pu disserter pendant des heures. Colloque Tonton Flingueur, ça se passe donc mardi, mercredi prochain à la Sorbonne, salle Louis Liard. Entrée gratuite, inscription obligatoire. colloquetonton@gmail.com. Vous me raconterez. Merci François Morel.